بسم الله الرحمن الرحيم. كم نواصب المضالع؟ ما هي؟ نعم، أن ولن وإذن وكي ولم كي، كي ولم كي مع بعض. أن ما هو لن؟ سكوا لن؟ أن أخوان، أن سكوا أن؟ نصب، استقبال. حرف. حرف نصب، استقبال، بالاستقبال. و؟ باقي شيء. مصدر. حرف نصب ومصدر واستقبال. ذكرنا أن الفعل يؤول بمصدره. ولن ما هو؟ نفي استقبال. نعم، حرف النصب للنفي الاستقبال. وإذا؟ إذا حرف النصب. إذا ايوه، اذا حرف نصب لكن هو بشرط، بشرط ان ياتي بجواب. لا لا، ما سالتك عن الشروط، انا سالتك عن اسم الحرف. كم سبر في حرف؟ حرف نصب فقط. لا، ذكرنا جواب وجزاء. حرف نصب، جواب وجزاء. وكي حرف نصب. ايوه، نفس ان بل تزيد يعني مستقبل كذلك. نفس ان، ان وكي نفس اسم. طيب الان نعيد، ما هي الشروط اذا؟ ان ياتي جوابا لكلام السابق. ايوه، وكذلك هنا يدل على الاستقبال، يكون معرفة في المستقبل. وذكرنا لا يكون بين إذن وفعل فاصل، يأتي الفعل مباشرة بعد إذن. هذا مذكور في الحاشية صفحة 71 تحت. الأسماء، العمل والشروط. طيب هنا دي كوا بارابوا سي حرف دو كوا ديستينغ دي زوتر؟ نعم، تنصب بأنفسها. طيب نواصل مع التي تنصب بأن مضمرة، avec أن كي مضمرة استجاح كشي. أولا لام التعليل، نحو قوله تعالى وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس. كلمة تعليل في الحقيقة هذا لم حرف جر، دكاك ملو حرف جر يغن با دون الأفعال، حرف جر خاص بالأسماء كما ذكرنا. دونك سي كوا العامل دون لو فيرب تبين؟ سي ان مضمرة، سي ان كي كاشي. التقدير لان تبين للناس، فهمت هذا؟ معنى التعليل هي ذكر السبب. تقول مثلا جيت في اليمن لي اتلوب العلم، سي نو يمن بور ريشيرشي لا سيونس. و لو ان لا avec le mot ta'lil il est mudmara lakin jawazan, tu as le droit de le cacher et tu as le droit de le prononcer. مثلا كفي كل عز وجل وامرت لان اكون اول المسلمين، فهمت؟ امرت لان اكون، لا بس تو بي دير لي اكون، لا سي venu لان اكون أول المسلمين. Donc le un avec le même ta'lil, tu peux le faire apparaître ou tu peux le dissimuler. Ama les autres qui vont venir, c'est tout le temps wujuban mudmara. Tu n'as pas le droit de les faire apparaître. Donc le verbe qui vient après, salan yubayyana, c'est quoi le verbe de yubayyana? Fi'lun mudali'un mansub bi Ah, waqa'ta fihi tamaman. بأن مدمرة. تدي أن أو دي بي؟ نعم. تدي لم؟ نعم. أيوة. En fait, voilà, le nasib, c'est أن. Attention. C'est quoi l'an? على حرف الجر. Il reste حرف الجر. على كل بصريين. Maintenant, chez les koufiyin, tu aurais dit, tu as raison. Mais le sahih, c'est que لم, c'est حرف الجر. حرف الجر, ne rentre pas dans l'afal. Ça, c'est le khamis. Sadis. لم الجحود. لم الجحود. C'est un lème qui a un sens de refus, de négation. Alamatuha an tuzbaq bi ma kana aw lam yakun. Nahu qulihi ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Wa qulihi ta'ala lam yakun Allah liyaghfila lahum. Donc lème du juhud. Cela a un sens de refus. Min aramat adillam. Comment tu sais que c'est l'âme du juhud et que ce n'est pas une autre? Elle est devancée par ma kana ou lam yakun. Ma kana ou lam yakun. Comme dans les ayats qu'on a pris. Qu'Allah Azza wa Jal wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. C'est un mumara. Lakin pour que tu saches le ma'ana. Voyez, le ma'ana, c'est pas trop traduit. Traduction de l'âme du juhud, c'est difficile. Ils traduisent que Allah n'est pas tel à perdre leur salat. Par exemple, tu veux dire Ma kana Muhammad ou ma kana al-muslim liyakfura billah. On traduirait qu'en aucun cas le muslim ne doit pas mécroire en Allah, mathalan. Ou lam yakun il muslim liyakfura billah. C'est le même sens les deux. Lam yakun makana, avec le juhud, la phrase elle aura le même sens. Donc là, ce lam là, dans wa makana Allah liyudi'a imanakum, yudi'a firun mudali'un mansub bi an mudmara, wujuban. Là, tu n'as pas le droit de dire. Tu n'as pas le droit de la faire apparaître. C'est obligé les mudmar, obligé les cacher. Alors que l'autre, le mta'lil, jawazan. Tu peux dire li an ou tu peux dire li. Ah, c'est le même sens. C'est ouais, c'est le même sens. C'est juste que tu en as, tu peux prononcer. Tu as le choix. Si tu veux dire an, tu peux le prononcer. Si tu veux, tu ne le prononces pas. Mais là, là avec ce qu'on va prendre maintenant, là, après le mta'lil, tous, le an, tu ne le prononces jamais. Tout le temps, il y a ni mudmara ou juban. Obligatoirement, il est caché. Tu ne peux le faire apparaître. Ah ben, le mta'lil, tu peux le prononcer ou tu peux le cacher. La clair-tier. Donc là, tu n'as pas le droit de dire, mathalan, ma kana Allahu li an yudi'a imanakum. Là. Donc là, le an, mudmara wujuban. Obligatoirement caché. Donc, yudi'a, adafirun mudali'un mansub bi an mudmara wujuban wa ramatu nasbihi al-fatha al-zahira al-akhiri. L'autre, c'est pareil. Lam yakunillahi. لم يكن الله هو فن لم يكن الله ليغفر لهم فيغفر لهم من يعرض فير مضارع منصوب بان مضمره وجوبا ورمه نصبه الفتحه une sens de refus de négation d'accord ثم قال والسابع حتى نحو قل لله تعالى واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله. Donc, hatta, aada, mima, yatibardahu, an mudmara, wujuban, ou yansib le fiel. Et le hatta, là, il peut avoir plusieurs sens. Hatta, yusama harf, ghaya wa ta'lil. Maktoub taht. Ça veut dire que c'est un harf ou d'aboutissement ou de cause. Ou d'aboutissement ou de cause. Mesalan fi qulillahi azza wa jal wasbir hatta yahkum Allah. Ça veut dire que hatta peut venir dans le sens de pour ta'lil comme l'im ta'lil, même sens, ou de sens jusqu'à. Ouais, jusqu'à. Ça veut dire que ça, tu dis un sens de hatta pour تقول انا وبين لك هذا درس حتى تفهم je t'explique ce cours pour que tu comprennes comme je pourrais dire انا وعطي لك هذا الدرس لي تفهم فهمت لسنس تعليل ثم tu peux dire انا سأدرسك حتى تفهم je vais t'enseigner juste à ce que tu comprennes بإذن الله فهمت ça sens de تعليل c'est-à-dire de cause ou alors de غاية d'aboutissement. Là, dans le verset, c'est quoi ? Wasbir hatta yahkum Allah. C'est raya ou ta'lil ? Ça, c'est raya. Raya, aywa. Tu sais ce que Allah y juge. Donc, toi, après, tu mayyiz s'il y a quelqu'un l'aime. Tu arrives à distinguer c'est quoi qui est voulu par là. Et hatta en dehors de bab al-nazm, ça peut être un harf al-jar. Ça peut être un harf al-atf. Ça peut être d'autres huruf, d'autres ma'ani. Là, nous, fi bab al-nazm, fi al-af'al. Donc, yahkuma, adafir al-mudali al-mansoub, bi. Bi-an. Bi-an mun mara. Dis pas hatta. Bi-an mun mara. Taïe. Donc là, c'est hatta. Harf, ghaya wa ta'lil. Al-thamin, fa'u al-sababiyya. الواقعة في جواب نفي أو طلب. Un fait sababiyya qui vient dans la réponse suivie d'une phrase contenant une négation ou une demande. والطلب يعني عدة أمور. طلب ça peut être un amr, ça peut être un nahi, ça peut être un istifham, ça peut être un ta'rid, ça peut être différentes choses. ما هو ضابطها؟ أن fait sababiyya c'est quoi son ضابط؟ أن ما قبل الفاء ما قبل الفاء الجملة التي قبل الفاء سبب لحصول ما بعدها لهذا سميت سببية مثلا جواب نفي مثلا جواب نفي نحو قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا لا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن من عن أهل النار qui ne vont jamais être achevés, hein, qu'elle mourra. Et dans le nar, tu ne dois pas mourir. Donc dans le nar, tu n'es pas achevé. Pourquoi ? Pour pas que tu meurs. Donc là, Adam el Mout, le fait qu'il ne meure pas, c'est quoi la cause ? Adam el Qada alayhim, la yugda alayhim. Ils n'ont pas été achevés. Ça me dit quoi ? Comme cause, qu'ils ne meurent pas. Hada, au début c'est un peu sorbe parce que dans en langue française ça n'a pas d'équivalent. C'est des choses de la wak, c'est à faire hada. Ama adil ma'ani, wa tara yustadam qalilan. C'est pas des choses qui sont vraiment beaucoup employées en langue arabe. C'est pour ça qu'au début c'est un peu du mal. Moi au début j'avais un peu du mal à cerner. Aham shay, si tu vois un fi'al, mudari, avec un fait qui vient devant et que tu vois les mansoub, sache que c'est un fait sababiyya. Et le amil, c'est quoi? An munmara wujuban. Un autre exemple qui donne le mu'allif. Fi jawab talab. Après, une chose qui est une phrase. Fi amana talab. Talab, ça peut être un ordre, une interdiction, ou ghayr dhalika. Yaqul, ta'allam al-ilma fa yanfa'ak. Ta'allam al-ilma, apprends la science, elle te servira. Donc, le service de la science, c'est quoi sa cause ? Ta'allum, l'apprentissage. Fahimt ? Fa'una, fa'yenfa'ak, ta'kul yenfa'ak, ou yenfa'ak, fi'irun, mudali'un, mansoub, bi'enmun mara, wa'aramatu, nasbihi. Alif Atwa. Et tu peux dire dans l'arabe, plus précisément, Al-Mudmara, Tayyib, Waqi'a, Batfais, Sababiyya. Là, tu peux faire un dialogue précis de chaque chose. Mais là, on sait que le Amil, c'est Al-Mudmara. Tayyib. At-Tasiya. Waw Al-Ma'iyya. Al-Waqi'atu fi jawab Nafi wa Talab. Waw Al-Ma'iyya. C'est-à-dire un waw qui fait yukol d'accompagnement. Son zabit, c'est le même zabit que fait Sababiyya. Ça veut dire yasbikuha kalam fihi nafi ou talab. Il vient pas tout seul comme ça. Il y a forcément un truc qui le précède. Et ce qui le précède a un sens de nafi négation ou de talab. Là, on a vu quoi dans l'exemple avant? La yugda alayhim ilou nafi. La yugda. Fayamutu. Et dans l'exemple d'après, ta'allam il'ilm fayanfa'ak. Il est où le kalam d'avant? Ta'allam. Et ça, c'est quoi? Un talab. C'est un amr. C'est une attente. Donc là, dans le waw al-ma'iyya, c'est la même chose qui doit être devant. Lakin al-ma'na yahtalif. C'est pas le même sens. Ma ma'na waw al-ma'iyya? Voyez? Annama qabla al-waw al-lazi wa mafkour qabla al-waw yusahib ma ba'daha. Tout samma waw al-ma'iyya. C'est-à-dire, ce qui vient avant le waw va venir avec ce qui vient après le waw. مثال ذلك في النفي ما ما نأمر بالخير ونعرض عنه. Ça veut dire que nous n'ordonnons pas le bien et ensuite on s'en détourne en même temps, en fait, ça veut dire ونعرض عنه, c'est-à-dire on ne fait pas cela. C'est pas tu viens avec le amr bil ma'ruf ou t'as-tu bien mon cœur fin de ce temps-là? Très. Donc là, wa nu arida anhu nu arida adafir muzali mansub bi an munmara amazbuk bi waw ma'iyya wa ramat nasbih al fatha dhahira akhirih. Un exemple avec un talab. Zourni wa ukrimak. Zourni wa ukrimak. أي أن زيارتك تكون ماذا؟ سببا لإكرامي إياك. Que ta visite sera une cause عفوا. Si j'ai dit là, c'est pas سببية, c'est معايا, je suis parti dans l'offre سببية. عفوا نعيد. أن زيارتك سيأتي معها إكرامي. C'est-à-dire, quand tu vas me visiter, tu auras quoi avec cette visite? Que je vais t'honorer. Ça va aller ensemble. Zourni wa ukrimak. De quoi? Zourni wa ukrimak. C'est-à-dire que ta visite viendra avec ماذا? Que le fait que je t'honore. Voilà. Et wahada, ce qui m'a fait me tromper, c'est que même là, tu peux mettre fais sababiyya aussi. Tu peux dire zourni fa ukrimak. Pareil. Visite-moi. Et parce que ta visite sera la cause que je vais t'honorer. C'est pour ça que je me suis trompé. Là, tu peux mettre waw, tu peux mettre fa. Le ma'na mutakarib. Le ma'na mutakarib. Aslan, waw, le ma'iyya, pour faire sababiyya, le ma'na mutakarib. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Dans le sens. Il y en a un, c'est la cause, et l'autre, c'est l'accompagnement. Et souvent, une chose qui t'accompagne, c'est que c'est la cause d'une chose, qui a été provoquée. Tu vois? Une chose qui vient avec une autre chose, souvent, c'est qu'elle était la cause de sa venue. Donc, ça se ressemble un peu. Ça découle. Comment on pourrait dire? U'budillah, مثلاً, U'budillah, wa tadkhul al-jannah. U'budillah, il est le mort. وتدخل الجنة. Ça veut dire quoi ça? Et tu peux dire également أعبد الله فتدخل الجنة. Les deux tu peux les dire. معية. C'est-à-dire qu'avec ton adoration viendra l'entrée au Jannah. Ça va, ils viennent ensemble. Et l'autre ton entrée au Jannah sera la cause de ton entrée au Jannah, la cause sera ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les deux souvent, tu peux les employer dans les mêmes phrases. Il y aura un petit fork dans le ma'na, mais tout, basit. Basit. طيب والعاشر او التي بمعنى الا او الى لا او لا لا سي بلو دون اسمه صفات tu prends plus ظاهر لا سي بلو او tu connais un حرف عطف qui vient pour l'ikhtiyar ou le shak là c'est un حرف qui vient dans le sens de الا sauf ou de الى c'est-à-dire jusqu'à. نحو ادرب المذنبة أو يتوبة. Frappe celui qui fait des péchés. طيب. Et là tu peux dire il est يتوبة. Tu peux dire les deux. Tu peux dire il est un يتوبة ou il est un يتوبة. Comme il a dit ensuite. C'est-à-dire frappe le pécheur sauf qui se repent. Ou alors, frappe le pécheur. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est pour le sens de hatta, en fait. Hatta. Donc ce au que tu vois là, il dirait à barda hafir al mudari al mansouban, manana au hadi, manana illa au ila. Ey ila an, yafal kaza. Ou illa an, yafal kaza. Sauf que le an, il est mudmara. C'est ça le takdir. C'est idrib el muznib ou an yatoub. C'est-à-dire illa an yatoub. Ou ila an yatoub. Juste à ce qu'il se repente. Ou sauf s'il se repente. Fahimt? Fahouna yatouba fi rud budaliun mansoubun bi an mudmara waki abad. Ou waramatu nasbihi al fatha idhira akhirih. Thumma zakara wa qad zahaba ibnu أجرهم تبعا الكوفيين إلى أن هذه العشرة جميعها ناصب للمضارع. Donc lui ibn Ajrum il voit comme les Koufis. مذهب des Koufis que c'est 10 حروف تنصب بنفسها. Il veut dire dans les Arabes مثلا أو يتوبة il veut dire يتوبة منصب بأو. Directement. En vrai c'est plus facile mais le sens il n'est pas correct car à la base c'est pas des حروف ناصب. Aïwa, aïwa. Les autres, bi-an-mun-mara. Et parmi les autres, il y en a un seul, le an, tu peux le faire apparaître, c'est l'am-e-ta'lil. Et les autres, an, il est caché obligatoirement. Mun-mara ou juban. Fahim ta'ada? Qala wa zaba al-basriyoun wa jama'atun min al-muhakkikin ila anna nasiba al-mudari' hiya al-arba'atu al-oula wa minaha faqat وهي أن ولن وإذا وكي. Donc les Basriyoun et un groupe des Muhakkikin, ils voient que le nasib dans le Mudari, c'est juste qui fait le nasib en lui-même, c'est أن et لن وإذا وكي. وما الباقية فيكون النصب بعدها بأن محذوفة جوازا أو وجوبا. جوازا بعد لام التعليل ووجوبا بعد الباقي. Par contre, il voit que les autres حروف, طيب, les autres حروف, تنصب الفعل, mais pas ان. C'est pas elle-même qui sont le ناصبة. C'est ان qui est caché. Et ce ان caché, يكون, يعني l'idmar qui soit caché, c'est soit obligatoire, soit permis. C'est permis avec quoi? لام التعليل. مثلا جيتو في اليمن لي أتوب العلم, tu peux dire لأن أتوب العلم. Celui-là, c'est permis de le dire ou de ne pas le dire. Les autres, tout ce qui est لام الجحود وحتى وفي السببية والمعية وأو هذه ال, يعني أن بعده, بعدها مدمرة وجوبا. Tu n'as pas le droit de le prononcer. De le faire apparaître. فهمت هذا؟ Ça paraît comme ça, mais c'est pas ça. Oui, voilà. En fait, il va dire pourquoi ce que tu veux dire dans la langue des Arabes, ça n'a pas été entendu. Voilà. L'autre, dans l'imta'alil, on a inversé. C'est venu, khalas. Donc c'est permis. Les autres, on n'a pas de preuve. Donc on reste sur le os. On a ni de abid de shi'r, de la poésie chez les Arabes anciens, qui le dit, ni de hadith, ni rien du tout. Donc, c'est que ça n'existe pas. Donc là, on a pris le nawasib. On a pris le nawasib. Au minaral, c'est la cause des jawazib. Jawazib ashel sont plus simples que les nawasib. Ils sont plus nombreux, mais ils sont plus faciles. Il y a moins de tafsil. Par exemple, celui-là, comme un kultulek, fais babiya, kod, fichibni l'ishtibef, bidaya, wa wal ma'iya, wa au. Peut-être au début, c'est un peu confus, parce que tu n'es pas habitué à entendre ces huruf comme ça. Lakin barda wokt, inshallah, t'as l'air un homme, fil haqqa wa sahel. Et toujours, tu as le schéma après, qui t'aide à. Pour que tu visualises bien la chose. Il t'aide à bien assimiler la chose. Ou après les jawazim, on fera des i'rab de af'al. Pour tester. Inch'Allah ta'ala. Fa ila huna wa alhamdulillah rabbil alamin.